Conte d'enfant. Il ne faut plus courir à travers les bruyères. Enfant, dit sans congé, vous hasardez au loin. Vous êtes très petit et vous avez besoin que l'on vous aide encore à dire vos prières. Que feriez-vous au champ si vous étiez perdu? Si vous ne trouviez plus le sentier du village? On dirait, quoi, si jeune, il est mort? C'est dommage. Vous crierez, de si loin seriez-vous entendu? Vos petits compagnons, à leur accoutumée, danseraient à la porte et chanteraient tout bas. Il faudrait leur répondre en la tenant fermée, « Une mère est malade, enfant, ne chantez pas !» Et vos cris rediraient « Oh, ma mère, oh, ma mère !» L'écho vous répondrait, l'écho vous ferait peur. L'herbe humide et la nuit vous transiraient le cœur. Vous n'auriez à manger que quelques plantes amères. Point de lait, point de lit. Il faudrait donc mourir ? J'en frissonne, et vraiment ce tableau fait frémir. Embrassons-nous, je vais vous raconter une histoire. Ma tendresse pour vous éveille ma mémoire. Il était un berger veillant avec amour sur des agneaux chéris, qui l'aimaient à leur tour. Il les désaltérait dans une eau claire et saine, les baignait à la source et blanchissait leur laine. Du serpolet, du thym parfumait leur repas. Des plus faibles encore guidaient les premiers pas. D'un ruisseau, quelquefois, permettait l'escalade. Si l'un d'eux au retour traînait un pied malade, il était dans ses bras tout doucement porté. Et la nuit, sur son lit, dormait à son côté. Réveillé le matin par l'aurore vermeille, il leur jouait des airs à captiver l'oreille. Plus tard, quand ils broutaient leur souper sous ses yeux, au son de sa musette, il les rendait joyeux. Enfin, il renfermait sa famille chérie, dedans la bergerie. Quand l'ombre sur les champs jetait son manteau noir, il leur disait « Bonsoir, chers agneaux, sans danger, reposez tous ensemble. » L'un par l'autre pressé demeurait chaudement, jusqu'à ce qu'un beau jour se lève et nous rassemble. Sous la garde des chiens dormaient tranquillement. Les chiens rôdaient alors, et le pasteur sensible les revoyait heureux dans un rêve paisible. Et ne l'était-il pas? Tous bénissaient leur sort, excepté le plus jeune, hardi, malin, folâtre, des fleurs, du miel, des blés et des bois idolâtres. Seul, il jugeait tout bas que son maître avait tort. Un jour, riant d'avance et roulant sa chimère, ce petit fou d'agneau s'en vint droit à sa mère, sage et vieille brebis soumise au bon pasteur. « Mère, écoutez, dit-il, d'où vient qu'on nous enferme? Les chiens ne le sont pas, et j'en prends de l'humeur. Cette loi m'est trop dure, et j'y veux mettre un terme. Je vais courir partout, j'y suis très résolu. Le bois doit être trop beau pendant le clair de lune. Oui, mère, dès ce soir, je veux tenter fortune. Tant pis pour le pasteur, c'est lui qui l'a voulu. » « Demeurez, mon agneau, dit la mère attendrie. Vous n'êtes qu'un enfant bon pour la bergerie. Restez-y près de moi si vous voulez partir. Hélas, j'ose pour vous prévoir un repentir. » « J'ose vous dire non, cria le volontaire. » Un chien les obligea tous les deux à se taire. Quand le soleil couchant au parc les rappela, et que par flots joyeux le troupeau s'écoula, l'agneau sous une haie établit sa cachette. Il avait finement détaché sa clochette. Dès que le parc fut clos, il courut alentour. Il jouait, gambadait, sautait à perdre haleine. « Je voyage, dit-il, je suis libre à mon tour. Je ris, je n'ai pas peur. La lune est claire et pleine. Allons au bois, dansons, broutons. » Mais par malheur, des loups pour leurs enfants cherchaient à leur curer. Un peu de laine, hélas, sanglante et déchirée, fut tout ce que le vent daigna rendre au pasteur. Jugé comme il fut triste à l'aube renaissante, jugez comme on plaignit la mère gémissante. « Quoi, ce soir, cria-t-elle, on nous appellera, et ce soir, et jamais l'agneau ne répondra ?» En l'appelant en vain, elle affligea l'aurore. Le soir, elle mourut, en l'appelant encore.